Si un jour pour mes propos on me fait trop chier, je me prends des amendes dans la gueule, j'abandonne mon identité française. Tu vois, parce que je suis binational, moi. Je suis franco-italien. Et en fait, je suis prêt à brûler ma carte d'identité française. Parce que pour moi, ça sera le. À un moment donné, je pense que tous les nationalistes devraient faire ça. Pour montrer un peu l'absurdité, on va dire, de la perte d'identité française. C'est-à-dire que si tous les mecs blancs et nationalistes laissent leur carte, c'est-à-dire que cette carte ne veut plus rien dire. Tu vois? Et c'est ce que je serai amené à faire un jour, je pense, dans un geste à la fois artistique et politique.